Réveil tout le monde, merci de votre fidélité, vous êtes sur France Culture, un autre jour est possible, votre réveil culturel, c'est jusqu'à 6h30, donc avant l'actualité du jour, la culture de tous les temps, tous les univers, avec dans un instant notre tête chercheuse de la semaine, la journaliste Elisabeth Day qui viendra nous parler de l'Indonésie, au centre de rien et au carrefour de tout, deuxième épisode donc, et puis en deuxième partie de l'émission, littérature avec Grégoire Pollet, un Belge très européen puisqu'il vit à Barcelone. Son dernier roman, édité chez Gallimard, nous parle justement de cette ville qui traverse toutes les crises européennes. Barcelona, c'est le titre du roman. Mais tout d'abord, tête chercheuse. Chercheuse, pour commencer avec Elisabeth Day, Elisabeth Day Inandiak, spécialiste de l'Indonésie, votre seconde patrie. Vous êtes indonésienne, au fait, avant d'attaquer le deuxième épisode. Vous êtes indonésienne maintenant. Je suis indonésienne de plus que de cœur, de corps, parce que quand j'ai accouché en Indonésie, le placenta, il y a une vieille tradition qui fait qu'on enterre le placenta et on allume une lampe pendant 40 jours et on chante des chants parce que c'est considéré comme le petit frère ou la petite sœur du bébé. Et donc, c'est ce qui s'est passé quand j'ai mis au monde ma petite fille. Et donc, j'ai enterré le placenta. Et donc, je ne suis pas indonésienne, mais j'appartiens à la terre indonésienne. Tous vos écrits, Elisabeth Day, votre bibliographie, votre biographie, notamment vos travaux pour le cinéma avec Joris Evans sont disponibles à la page de l'émission Notre jour est possible, en passant par franceculture.fr. Deuxième épisode donc de notre série consacrée à l'Indonésie, au centre de rien et au carrefour de tout. Aujourd'hui, l'histoire des grands empires maritimes jusqu'à l'état archipel moderne. Parce qu'il y a eu donc des grands empires maritimes. Donc, celui qui est le plus célèbre, on le nomme Sriwijaya. Hein, il a commencé environ vers le 6e, 7e siècle, jusqu'au 11e siècle, ou peut-être jusqu'au 13e siècle. En fait, on sait finalement très peu de choses. Pendant longtemps, au début du XXe siècle, on pensait que cet grand empire était peut-être en Thaïlande, en Malaisie. Et puis c'est Keudes, de l'école française d'Extrême-Orient, un Français, qui a trouvé les preuves comme quoi c'était sur l'île de Sumatra. Et effectivement, le long du fameux détroit de Malacca. Parce que le détroit de Malacca, quand on regarde une carte, une fois de plus, on voit bien que c'est le passage obligé de tous les navires entre la Chine et l'Inde et l'Occident et inversement. Donc, et aujourd'hui encore, c'est le détroit le plus fréquenté du monde, après le passage, en Égypte. Le détroit de Suez. Voilà. Je ne sais même pas quel est celui qui vient en premier, il faudrait voir les chiffres. Sur le détroit de Malacca, j'ai des chiffres, mais je vous les donnerai tout à l'heure, si vous voulez. Donc on peut imaginer qu'il y a eu donc cette fameuse route de la soie dont on parle beaucoup, la route du bouddhisme qui passait par les continents, par le nord. Hein, c'était la route continentale et puis à une certaine époque, au tournant du 6e, 7e siècle, Bon, je ne suis pas historienne, donc je ne voudrais pas dire de... On me corrigera si je dis des inexactitudes historiques, mais en gros, c'est le sens. C'est que toute la partie, si vous voulez, du Turkestan, tout ça, était perturbée par beaucoup d'invasions, de troubles, et c'était devenu très dangereux de passer par cette route. Et donc, les pèlerins chinois et les chercheurs chinois qui allaient étudier le bouddhisme en Inde ont choisi une autre route qui était la route maritime, qui est beaucoup moins connue, la route maritime du bouddhisme, et donc qui passait immanquablement par le détroit de Malacca. Et en plus, les Indiens, eux, venaient chercher de l'or. Et parce que Sumatra s'appelait l'île d'or. Et effectivement, il y a encore beaucoup d'or à Sumatra. Donc il y avait cette double, c'était pas la soie et le bouddhisme, et le continent et la terre, c'était l'eau, l'or et le bouddhisme. Voilà. Et donc c'est là, à cette époque-là, que les pèlerins chinois, etc., s'arrêtaient pour des raisons de mousson, etc., le long de la côte le long du détroit de Malacca, à Sumatra, dans ces fameux ports qui sont devenus qui ont constitué le royaume de Sriwijaya. Et puis après, ils prenaient la route pour l'Inde. Mais ces royaumes, ces ports, se sont constitués aussi en grands centres de savoir, et à tel point que les Chinois, au retour, certains restaient pendant des années à étudier le sens ou les textes bouddhistes dans ces universités, ces centres de savoir sur l'île de Sumatra, dont le plus célèbre aujourd'hui est Muara Jambi, dans la province de Jambi, qui est pas très loin, qui est presque en face de Singapour. Et c'est on pense maintenant que c'était le plus grand centre bouddhiste mahayaniste, d'études mahayanistes de l'Asie, après Nalanda, la grande université en Inde, dans le Bihar. Et on est en train de faire des excavations qui vont prendre des années, puisque le site s'étend sur plus de 3000 hectares. Et c'est gigantesque, voilà. Et puisqu'on parle de cette période-là, Elisabeth Day, du 6e au 13e siècle, est-ce que ce sont des royaumes indépendants qui forment ce qu'on appellera plus tard, bien plus tard, l'Indonésie ? Oui, ils ont tous... Alors, Sriwijaya a des liens très profonds, familiaux, disons, sanguins, avec les souverains de Java. Donc tout ça était lié, hein, Java et Sumatra, déjà, qui étaient déjà aussi bouddhistes, etc. Mais ça s'est beaucoup plus développé à Sumatra parce qu'il y avait cet avantage d'être sur le détroit de Malacca, donc d'être une puissance maritime. Peut-être que Java était aussi plus un lieu, on y trouve le plus grand stupa du monde, donc le temple de Borobudur, mais c'est au centre des terres, et c'était peut-être plus un lieu de méditation, un lieu de commerce et d'échange de savoir, parce que c'était plus retiré, plus inaccessible. En plus, sans doute, les îles étaient couvertes de jungle à l'époque et on ne voyageait pas si facilement. Que cet archipel, Elisabeth Day, in Indiak, soit stratégique pour le commerce et s'enrichisse donc avec les flottes maritimes, on imagine très bien pourquoi. Mais comment l'Indonésie... Enfin, on n'appelait pas ça encore l'Indonésie, entre le 6e et 13e siècle. Comment c'est devenu le centre spirituel du bouddhisme et des études bouddhistes ? Enfin, un des centres. Il y avait la célèbre université Nalanda en Inde, dans le Bihar, qui depuis le début de l'ère chrétienne était était le plus grand centre du bouddhisme mahayaniste, et donc de l'école sanscrite, quoi, hein, pas en pali mais en sanskrit. Et il y avait des très grands philosophes et des très grands maîtres qui avaient étudié là-bas. Et donc, les pèlerins chinois s'y rendaient pour étudier et pour recueillir les textes et repartaient chargés de manuscrits. Et donc, un des plus célèbres étant Xuanzang, je pense qu'on prononce comme ça, hein, c'est un célèbre moine qui a été traducteur et qui partait, donc c'était un voyage très aventureux. Et donc, il s'est passé en fait plusieurs phénomènes. Il y a d'abord eu, effectivement, Byzance qui a développé la sériculture, donc vers 551. Donc, la soie chinoise n'était plus autant en demande. Donc, déjà, c'est toujours, effectivement, le commerce qui transporte les savoirs et même la spiritualité. C'est toujours l'alliance des deux, hein, de l'argent et de la spiritualité. qualité. Et donc, la soie était beaucoup moins, la soie chinoise était moins en demande. Et en plus, il y avait donc ces troubles et ces troubles entre, et ces guerres entre, en Asie centrale, avec les Tibétains, les Turcs orientaux, les Chinois, etc., les dynasties arabes. Donc, c'était devenu très périlleux. Et à ce moment-là, un premier pèlerin a inauguré cette fameuse route maritime. Il s'appelle Yitzing. Il est très connu en 671. Et il a écrit d'ailleurs un texte qui a été traduit en français, hein, qui s'appelle « Mémoire composée à l'époque de la grande dynastie Tang sur les religieux éminents qui allèrent chercher la loi ou la foi, hein, disons, dans les pays d'Occident ». Et là, il parle d'un fameux royaume qu'il appelle Fauche. Et qu'on s'est aperçu après qu'il s'agissait de ce fameux royaume de Srivijaya. Et donc là, il rend compte, et les Chinois étaient de très bons historiens et chroniqueurs, qu'il voit des milliers de moines et qu'à l'aller, il s'arrête un petit moment pendant quelques mois pour étudier le sanskrit. Il part en Inde et au retour d'Inde, il va rester plus de 6 ans dans cet endroit. Il va même envoyer un bateau lui chercher du papier parce qu'il n'en a pas assez pour recopier les manuscrits. Jusqu'en Chine, le bateau revient, etc. Ou je ne sais plus s'il part et revient avec le papier. Enfin donc, etc. Et par la suite, il y a même eu des grands maîtres indiens qui sont partis de Nalanda et qui sont venus étudier à Sumatra, à Srivijaya. Donc, il s'installe là parce que c'est un endroit, ces îles sont, ou cette île est un endroit épargné des guerres et du vacarme de l'époque. Voilà, sur la partie continentale de l'Asie. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres religions avant l'arrivée du bouddhisme en Indonésie? Bah oui, beaucoup. À Sumatra, il y a une multitude. Rien que sur l'île de Sumatra, qui est quand même la 6e plus grande île du monde, il y a 50 ethnies. Et chaque ethnie avait sa religion, ou ses cultes, ou ses croyances. Donc il y en a encore qui sont encore un petit peu vivantes, même si elles ont été un peu passées au moulin compresseur, comment on appelle ça, pas au moulin compresseur, au rouleau compresseur, par les religions, les grandes religions institutionnalisées. Et aujourd'hui, on en est où? Il y a l'islam. Comment l'islam arrive dans cette région du monde? Alors l'islam, pareil, les récits historiques sont un peu toujours flous et controversés, mais en gros, l'islam serait quand même arrivé par de plusieurs points, à la fois d'abord par les marchands yéménites, qui apportaient aussi la marine à vapeur, hein, etc. Mais bien avant aussi, sans doute, du sud de l'Inde, où il y avait aussi des musulmans, aussi de la Chine, aussi donc, de l'Iran. Donc, il y avait plusieurs origines de l'islam, et tout ça a convergé, comme c'est un carrefour. Mais c'était essentiellement donc, des marchands et des soufis. Aujourd'hui, en Indonésie, Elisabeth D., quelles sont les religions présentes? Donc, pendant les 32 années de la dictature, seules 5 religions officielles étaient autorisées. C'était donc l'islam, le catholicisme, le protestantisme, l'hindouisme et le bouddhisme. Et puis, à la chute de la dictature en 1998... les Chinois qui s'étaient cachés en faisant semblant d'être chrétiens ou bouddhistes, même si enfin, certains le sont, ont pu faire reconnaître le confucianisme comme une autre religion, bien que peut-être qu'en Chine, ça ne soit pas vraiment une religion. Mais les cultes locaux, enfin les religions anciennes, ont beaucoup de difficultés à se faire reconnaître encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, comment on peut vivre dans une société où il y a plusieurs religions? Est-ce qu'on peut parler d'État laïque en parlant de l'Indonésie d'aujourd'hui? Laïque, non, parce que dans la Constitution, le premier pilier, il y a 5 piliers. Hein, on dit le Pancasila, et c'est d'ailleurs un terme sanskrit. Sila, c'est la morale hein, dans le bouddhisme, donc c'est les 5 lois morales ou les 5 piliers de la constitution. Et le premier, c'est la croyance en un dieu unique. Alors chacun l'appelle comme il veut, même les bouddhistes ont finalement trouvé une manière de s'arranger avec ça en disant qu'un des bouddhas pouvait être d'origine divine ou d'essence divine, etc. Donc c'est quand même, donc c'est pas laïque dans ce sens-là, mais c'est pluriconfessionnel. Et la place de l'islam aujourd'hui ? Ben, elle est très importante puisque, bon, on dit toujours 85% de l'Indonésie est musulmane. Moi, je dirais un petit peu moins parce que rien que les bouddhistes, les chiffres officiels, ils sont 10%. Donc, à mon avis, ils sont plutôt 20%, etc. Les chrétiens, donc peut-être, mais bon, même si l'islam fait 80% de la population, ça fait quand même un pays majoritairement musulman. Mais ce n'est pas une république islamique et les... deux grands mouvements musulmans en Indonésie, qui soient les modernistes ou les soufis, qui représentent 90% des musulmans en Indonésie, ou plus, se battent pour maintenir la constitution qui reconnaît ce pluralisme religieux, ou cette laïcité religieuse, disons, en Indonésie, ce pluralisme. Quoi. On se retrouve demain pour la suite de notre série consacrée à l'Indonésie d'aujourd'hui, au centre de rien et au carrefour de tout. À demain, Elisabeth D. Un autre jour est possible, par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Et mon invité aujourd'hui est l'écrivain Grégoire Pellet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes belge, vous êtes édité par une prestigieuse maison d'édition de Paris, Gallimard, Collection Blanche, et vous vivez en Espagne depuis quelques années. Enfin, un Européen modèle et qui a de la chance, puisque comme Virginie Despentes et beaucoup d'autres Français, vous vivez en ce moment à Barcelone. Barcelona avec un point d'exclamation, c'est le titre de votre dernier roman qui aurait pu s'appeler aussi « Chronique d'une ville européenne qui s'enlise dans la crise ». Roman choral de près de 500 pages, avec plusieurs destins qui se croisent, une vingtaine de personnages pris de 2008 à 2012 et qui racontent à travers leur petite histoire le Barcelone dans l'Europe d'aujourd'hui. Alors comment vous est venue cette idée ? C'était l'envie de raconter l'Europe vue à travers un des pays les plus touchés par la... ou un des premiers pays touchés par la crise ? En fait, je voulais raconter... Je voulais prendre Barcelone, si vous voulez. J'y habite depuis un certain temps et je cherchais la manière de la prendre, entre guillemets, de m'en saisir de façon littéraire et d'en faire de la transformer en un roman. J'avais déjà essayé auparavant avec Madrid, qui était mon premier roman, et puis avec Paris, qui était mon troisième roman. Et ici, c'est une sorte de troisième tentative et peut-être la plus épaisse aussi. Hein. Troisième fois que je reviens sur l'exercice de prendre une ville comme ça pour la montrer. Après, le fait que c'était la crise, ça, c'était pas choisi. C'est-à-dire que ça, c'était simplement... Moi, j'ai commencé à habiter là-bas en 2008. C'était le début de la crise. Et donc, j'ai pu voir, disons, petit à petit, d'abord dans la presse, parce que ça apparaît d'abord dans les informations. Et puis, avec un retard de presque un an, dans la rue, disons, on voit alors les... on voyait petit à petit cette influence de la crise et cette modification des trajectoires, des destins, disons, hein, des gens qui étaient tout à coup dans une situation un petit peu économiquement dépressive et donc très difficile. Et donc voilà, c'est ce spectacle-là que j'avais sous les yeux et que j'ai essayé de rendre. Avec un seul décor, parcouru et fondu à la fois, la ville et ses codes, Barcelone, son histoire et sa géographie, ses gens et leurs humeurs, il y a des femmes, il y a des hommes, des jeunes et des vieux, des ceux qui viennent d'ailleurs, des ceux qui n'en reviennent pas de voir leur vie bousculée et qui s'en vont à leur tour voir si le monde est meilleur ailleurs. Il y a ceux qui prennent la mer pour fuir et d'autres qui ont les pieds sur terre. Il y a ceux qui cherchent la foi et d'autres qui la perdent. Des journalistes précaires, des universitaires en fin de carrière, des amants en fin de parcours, des enfants à récupérer, des morceaux de vie à recoller partout où le roman se déroule. Et puis, des indignés qui commencent à marcher à contre-courant du nouveau monde. Vous avez fait un casting. Comment on écrit ce genre de roman choral, Grégoire Pellet ? Est-ce qu'on s'est dit, il me faut tel personnage pour essayer de prendre le réel au plus près ? En fait, il y a d'abord une longue période de décantation, c'est-à-dire que ça fait quand même longtemps que je prépare ce livre. Et donc, j'ai écrit énormément de choses, de notes, disons, de développement par ailleurs. Et puis... Après, ce que j'ai fait, je fais la technique du pêcheur, si vous voulez. Je lance mon hameçon le plus loin possible, là où je voudrais arriver, et puis après, je rembobine. Et donc, j'avais lancé mon hameçon en 2012, qui est le moment où j'ai commencé le travail. J'ai lancé mon hameçon en 2012, et puis après, j'ai commencé à remonter depuis 2008, et dans tous les domaines qui me paraissaient vraiment importants. Et donc, au début, j'ai pris trois personnages, un personnage dans la politique, Bégonia et son papa, pour avoir justement ces indignés qui m'avaient beaucoup impressionné. Et puis j'avais pris un personnage dans le journalisme parce que ça me paraît très important. Journaliste sportif précaire, ouais. Disons qu'on est tout le temps accroché aux informations et donc les personnes qui travaillent dans l'information sont des gens qui ont un rôle particulier parce qu'ils appartiennent à la vie de beaucoup, beaucoup de gens dans une ville ou dans une société. Et donc ce personnage, cette catégorie de personnages m'importait. Et le troisième, c'était le navigateur en solitaire, parce que comme je voulais montrer la symphonie, entre guillemets, de la ville, hein, de toute cette population, de tellement de personnes, je voulais aussi avoir l'exact opposé, un solitaire. Donc quelqu'un qui en a ras-le-bol, absolument ras-le-bol de la vie, et qui s'en va à la première page du livre, et qui en même temps me laissait une sorte de poumon de respiration, puisque c'est un peu l'alter ego de celui qui écrit le livre, puisqu'il s'embarque à la première page, et il arrive à la dernière. Donc, Il n'arrête pas de se poser des questions. Alors, Grégoire Pellet, je vais vous étonner, mais moi, le personnage que j'ai choisi pour le faire entendre aujourd'hui, ce n'est pas un des trois personnages principaux que vous venez de citer, c'est l'universitaire. Et ça part à partir de 2011. 2011 moins 1946. Dans quelques sens qu'on fasse l'opération, ça fait implacablement 65. L'âge de la retraite pour Irving. Alors, le réveillon est triste. 65 ans, ce n'est pas vieux, mais alors pas du tout. C'est la société qui est bizarrement faite et en prend sa retraite. Par ici la sortie. L'administration qui fait apposer sur tous les bâtiments publics ces affiches vertes représentant un homme stylisé courant vers l'issue de secours ne se doute certainement pas de la tristesse qu'elles inspirent à Irving. Un peu partout, répété, dans les couloirs de l'université, dans les couloirs de la Bibliothèque nationale, ancien hôpital, ancien mouroir, par ici la sortie Irving, 65 ans. Rue du Robador, d'accord, les putes à 65 ans, on peut dire que c'est la fin du parcours. Mais un professeur d'université, pas marié, pas d'enfant, seul comme un arbre sans ombre et en pleine possession de ses moyens intellectuels. Et avec désormais cette absence d'ambition malsaine qui pervertit tant les jeunes chercheurs. Cette gratuité de la science comme plaisir et du savoir comme partage. Et puis tous ces enfants, enfin ces étudiants, ce commerce continuel qu'il avait eu avec la tranche des 18-25 ans, fleuve jamais interrompu de jeunesse devant lui dans les classes, rivière de jouvence où lui, vieil animal paisible, s'inclinait pour boire, d'un coup, éloignez-vous du rivage, place aux autres. Il est bien cet universitaire, il est bien parce que il parle de la crise, il est très critique, et en même temps, il a tous les défauts des gens de son époque, c'est-à-dire... Quand il faut se soumettre à la loi d'aujourd'hui, quand par exemple un de ses anciens étudiants lui envoie un manuscrit et qu'au fond il sait que c'est pas bien écrit, que ça fera jamais un bon livre, il préfère ne pas le critiquer parce qu'entre-temps, cet étudiant est devenu chef de rubrique dans un journal où il tient sa petite colonne, il tient à exister. Ils sont tous comme ça, vos personnages. Ils tiennent à exister et pourtant, ils sont enlisés dans cette crise, Grégoire Pellet. Oui, alors ça, c'est ce personnage-là, bah, comme les autres, vous dites bien, sont des personnages qui sont bons et qui sont mauvais en même temps. C'est-à-dire qu'ils ont tout, ils sont comme tout le monde, ils sont réels. Ils ont comme tout le monde cette puissance d'idéal, de rêve et cette capacité de critique et en même temps cette modestie, cette humilité de finalement ne pas être aussi rigoureux avec soi-même qu'avec les autres. Alors pour cet universitaire, pour Irving, on comprend parce qu'il est aussi rongé par le doute. Il se dit, c'est nous qui avons formé cette génération, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal, bon sang? Oui, c'est ce sentiment, disons, de culpabilité qui peut y avoir entre les générations et qui, à mon avis, existe pas mal maintenant. Hein. On se dit, bon, ben voilà, si jamais il y a des problèmes dans la jeunesse, c'est en fait à cause de la façon dont on les a préparés. Et c'est ça l'intérêt aussi dans le roman, pour moi, d'avoir une telle pluralité de personnages et de points de vue, c'est de pouvoir montrer les personnages, de montrer plusieurs générations de personnages et donc les rapports que les générations ont entre elles à l'intérieur du roman, comme vraiment créer un petit monde, quoi, de ce point de vue-là. Et puis, vous avez eu l'idée romanesque de croiser les destins de ces personnages. Oui, alors ça, c'est vraiment pour moi le spectacle de la ville. Je pense que la ville nous montre ça. Très présente d'ailleurs, la ville. Oui. Et son histoire et sa géographie. Oui. Parce que la ville, c'est quelque chose qui est à la fois extrêmement monumental et fixe, tous ces bâtiments, toutes ces rues, et en même temps, c'est quelque chose qui est extrêmement dynamique et en mouvement, qui fait énormément de bruit, c'est une forme de polyphonie bruyante avec tous des gens qui se sentent être le centre de leur propre vie, le centre de leurs propres préoccupations, et qui en fait participent à un grand tout, très concret, la ville, qui au total est beaucoup plus que la somme de ses parties, comme on dit. Et par exemple, quand on va à Barcelone, ou quand on va dans une grande ville qui a une vraie identité, Paris, ça va sans dire, et d'autres, on a l'impression que voilà, c'est ça Paris. Mais c'est quoi Paris? C'est pas ses bâtiments tout seuls, c'est pas sa population tout seul, c'est cette espèce d'énergie particulière que tous les destins entremêlés, tout le divers, hein, c'est il y a une formule qui me poursuit toujours quand j'écris, c'est d'essayer de rendre la musique ou la symphonie, si vous voulez, du divers. La diversité étant vraiment le matériau en fait de notre monde, de notre société aujourd'hui, et voir à quel point elle sonne bien, à quel point en fait elle est profondément belle. Cette beauté, bon, après, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça, c'est autre chose, mais la beauté, c'est au-dessus de tout. La beauté est évidente. Si jamais on regarde bien la ville, c'est la beauté de la diversité de la population est quelque chose d'absolument merveilleux. Est-ce que vous-même, comme les personnages de votre roman, Grégoire Paulet, de votre roman Barcelona, est-ce que vous avez évolué entre 2008 et 2012? Oui, beaucoup. Alors ça, c'est justement un des autres sujets importants du livre. C'est pour ça que je voulais qu'il dure 4 ans, parce que mes tentatives de roman de ville précédent étaient beaucoup plus courts. Madrid, c'était une nuit, et Paris, c'était une semaine. Ici, c'était 4 ans, parce que je voulais pouvoir montrer, justement, cette possibilité de changement. Comment la crise avait détérioré, donc un changement négatif, avait détérioré la situation, et comment aussi beaucoup de personnages, soit à cause de la crise, soit à cause d'intuitions intérieure, personnelle, intime, changeait. Parce que c'est une des autres choses qui m'apparaît comme déterminante, merveilleuse et qui m'inspire, c'est cette liberté que les individus ont de changer. Alors c'est un changement qui est parfois non pas libre, un changement qui est imposé, comme les personnages qui meurent par exemple, c'est un changement assez radical, et également pour les proches par exemple, ou bien celui qui attrape une maladie grave, comme il y a un personnage à qui ça arrive aussi. Mais après il y a ceux qui ont l'occasion justement d'expérimenter le changement de façon volontaire. Irving, dans l'extrait que vous avez cité, il déplore le changement obligatoire. J'ai 65 ans, je vais être obligé d'arrêter de travailler dans son cas. Ce changement peut être au contraire un acte libre, un acte de volonté, de transformation personnelle suivant une intuition profonde, personnelle, comme Bégonia par exemple, hein, cette fille qui est riche et pour qui tout va bien et qui à un moment se dit c'est pas possible, je ne peux pas vivre dans l'indifférence par rapport aux autres personnes qui partagent la même ville que moi, enfin, la même vie, la même société, et qui, sans trop savoir où elle va petit à petit opérer un changement profond, intérieur, et qui va avoir une conséquence purement politique, puisqu'elle va s'engager, disons, dans un autre mode de vie, dans un mode de vie solidaire, etc. Ce changement me semble être la chose la plus importante dans les êtres humains, et la chose aussi la plus importante dans l'histoire. Parce que qu'est-ce qui fait l'histoire? Ce sont bien sûr les événements, mais qu'est-ce qui fait les événements? C'est pour une partie des accidents, des fatalités, et pour une partie très importante mais discrète, la volonté libre des acteurs, la volonté libre des hommes. Barcelona, c'est édité dans la collection Blanche de Gallimard. Merci Grégoire Paulet d'être passé ce matin à nous en parler. Merci à vous.